On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi, je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je fuis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, comment je l'aime bien. Il me tient la main, oh oh, je l'aime. Je te donne l'abîme et je vais passer pour dehors. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, j'ai dit partout et j'ai crié avec joie. Le nom de qui? Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Il est roi des rois. Cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir bientôt 2000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, comment je l'aime. Il me tient la main, je l'aime.